Affaires sensibles, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 15h. Aujourd'hui dans Affaires sensibles, second volet de l'histoire tragique du Saint-Louis, ce paquebot avec à son bord 907 réfugiés juifs allemands qui espéraient fuir le Troisième Reich d'Hitler. Durant 40 jours et 40 nuits, parce que juifs, ces pauvres gens vont être rejetés par la plupart des pays auxquels ils demandaient refuge. Hier, nous les avons quittés alors qu'ils erraient au bord des côtes américaines, après que Cuba leur a refusé le droit d'accoster. Aujourd'hui, nous allons vous raconter ces journées où ces juifs allemands furent ballottés entre l'Amérique et l'Europe à la recherche d'une solution d'accueil. Et les États-Unis n'ont pas fait exception pour ces malheureux. Alors, pourquoi leur avoir refusé l'asile? Quelles seront les conséquences de ce refus sur leur vie? Que sont devenus ces gens lors de leur retour en Europe? Ont-ils survécu à l'extermination des juifs d'Europe durant la Seconde Guerre mondiale? Notre invité aujourd'hui, le journaliste Bernard Benjamin, auteur d'une enquête intitulée « L'Odyssée de la peur » qui revient sur cette tragédie et sa mémoire sur la base de nombreux témoignages de survivants. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Jean Bulot, coordination Christophe Barrère, réalisation Jérôme Boulet. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Avril 1939, quelques jours avant le départ du Saint-Louis du port d'Hambourg, en France, lors du congrès de la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme, l'ancien président du Conseil, Léon Blum, prend la parole au sujet de la situation des réfugiés juifs. Vous êtes chez vous la nuit, à la campagne, à quelques kilomètres de là, éclate un cataclysme naturel, une catastrophe naturelle, quelle qu'elle soit, l'incendie ou l'inondation. Des hommes sont là, des femmes sont là, des enfants qui fuient à travers champs demi-nus, tremblant déjà de froid, menacés par la faim. Votre maison est peut-être déjà pleine, c'est possible. Mais quand il frappe à votre porte, vous l'ouvrez. Et vous ne leur demandez pour cela ni leur pièce d'état civil, ni leur casier judiciaire, ni leur certificat de vaccin. Il y a là un devoir d'humanité élémentaire, je dirais presque si les mots n'avaient pas l'air de jurer ensemble, d'humanité animale. Naturellement, ils ne pourront pas rester toujours là, c'est entendu. Naturellement, il faudra trouver des solutions ayant un caractère de stabilité et de durée. Mais enfin, pour l'instant, en attendant qu'eux-mêmes ailleurs trouvent un gîte plus sûr et plus durable, comment allez-vous leur refuser l'asile, les amis? Comment allez-vous leur refuser l'asile d'une nuit? Léon Blum le sait-il? Cette question va hanter bientôt nombre de dirigeants et de gouvernements des pays du monde. En effet, depuis des mois, des milliers de juifs allemands frappent aux portes des pays d'Europe et d'Amérique, essayant par tous les moyens de fuir le Reich avant que la catastrophe d'Adolf Hitler leur promet les emporte tous. Deux mois après ce discours, en juin 1939, au large des côtes américaines, un paquebot, le Saint-Louis, chargé de 907 réfugiés juifs, erre en mer, rejeté de tous. À son bord, les familles Dublon, Ekman, Grünberg, Klein, Mayer, Ostrosi, Rosenthal, Stufmann, Strauss, Schweigenthal. Depuis l'arrivée d'Hitler en Allemagne en 1933, ils ont perdu au fil des jours travail, nationalité, droit, tout. Dans la nuit du 9 au 10 novembre 1938, aux bannissements et aux persécutions, le régime nazi ajoute les flammes, les coups, la mort. En une nuit, des centaines de synagogues sont brûlées, des milliers de boutiques sont éventrées. Le lendemain, des dizaines de milliers de juifs sont arrêtés, déportés dans les camps de concentration. « Quand on les autorise à quitter ces camps, la plupart d'entre eux cherchent à fuir au plus vite. Et c'est en Amérique que beaucoup espèrent de nouveau pouvoir vivre en paix. Mais la route est longue, semée d'embûches. Le visa, par exemple, n'est qu'une partie du chemin à parcourir. Même en sa possession, il n'octroie qu'une place dans la longue file des prétendants. Il faut alors attendre que ces quotas leur permettent d'entrer dans le pays. Comme beaucoup de réfugiés juifs, les passagers du Saint-Louis ont fait de Cuba une étape de transit leur permettant d'atteindre en sécurité le jour de leur départ pour l'Amérique. Le 13 mai 1939, ils sont partis de Hambourg avec, pensaient-ils, l'ensemble des documents demandés par les autorités cubaines, dont le permis de débarquement, signé de la main du directeur de l'immigration. Bref, tous pensaient être sauvés. Sauf qu'à leur arrivée à La Havane, ils n'ont pas pu débarquer. Quelques jours avant leur départ, le 5 mai 1939, le président cubain avait changé les règles d'accueil. Cuba a demandé à tout arrivant un permis d'immigration. Sans le savoir, les passagers du Saint-Louis étaient devenus les victimes collatérales d'une bataille politique entre le président cubain et son directeur de l'immigration qui, depuis des mois, utilisait la crise des immigrants juifs pour escroquer ces malheureux et l'État cubain au passage. Pour y mettre fin et affirmer son pouvoir, le président refuse le 27 mai aux réfugiés du Saint-Louis le droit de débarquer. Face à la situation, la plus importante association américaine de secours aux Juifs, la Joint Distribution Committee, envoie alors sur place des émissaires. Mais rien n'y fait. Ni les rencontres auprès des officiels, ni la tentative de suicide d'un passager ne feront changer d'avis le président cubain. Et c'est ainsi que le 2 juin, après 5 jours à attendre dans la rade de La Havane, le Saint-Louis est reparti en mer à la recherche d'une terre d'accueil. Le lendemain, dans son journal, l'un des passagers, Erich Dublon, écrivait. Le bateau navigue à présent à mi-chemin entre Cuba et les côtes de Floride. Depuis notre départ, toutes les 2 heures, des messages en provenance du Joint de New York sont affichés. Tous répètent inlassablement la même chose. Courage, nous travaillons pour vous. Tout le monde sur le bateau espère encore des nouvelles favorables de La Havane. Les passagers qui y possèdent de la famille errent sur les ponts. Les yeux rougis d'avoir tant pleuré. Le Saint-Louis étant désormais loin des côtes cubaines, le président Laredo Bru accepte d'entendre les propositions de l'association, financière notamment. Afin que l'accueil ne coûte rien à ses contribuables, il demande le versement d'une caution de 150 000 dollars, 500 par réfugié et la promesse d'un débarquement à l'abri des regards, de l'autre côté de l'île. Les émissaires du Joint sont surpris. Hier, le président refusait toute discussion, aujourd'hui il transmet une série de requêtes. Souhaite-t-il vraiment sauver ces gens? En réalité, il gagne du temps. Il le sait, les projecteurs de la presse ne se braquent plus sur son île, mais sur son voisin américain. Début juin, l'affaire du Saint-Louis est devenue une affaire internationale. Dès l'annonce de la tentative de suicide de l'un des passagers, Max Love, la presse américaine a envoyé de nombreux correspondants sur place. Du Boston Globe au Daily News, du New York Times au Miami Herald, plus de 155 unes sont dédiées à l'affaire du Saint-Louis. Les journaux expliquent autant les négociations en cours à Cuba que celles qui pourraient s'ouvrir ailleurs, notamment auprès de la présidence américaine. En quelques jours, l'opinion publique américaine se mobilise. Des centaines de télégrammes et de lettres sont ainsi envoyés à la Maison-Blanche à destination du président Roosevelt et de son épouse. Quelques-uns de leurs auteurs proposent d'ouvrir leur maison à certains de ces malheureux, comme cet habitant de Miami. J'ai un appartement qui peut accueillir une famille de 3 ou 4 réfugiés et je les accueillerai gratuitement aussi longtemps que cela sera nécessaire. Je suis sûr que je peux obtenir que 300 ou 400 habitants de Miami fassent la même chose afin que nous puissions nous occuper de ces pauvres gens. D'autres fustigent le silence du président Roosevelt. Si ce navire était attaqué par les flammes, nous enverrions nos gardes-côtes, nous enverrions nos avions amphibies, nous enverrions nos bateaux de guerre pour rechercher les corps. Sur ce bateau, il y a 903 corps vivants. Allons-nous les renvoyer vers la mort? Parmi eux, 500 femmes et 150 enfants. Dans ce grand pays qu'est l'Amérique, n'avons-nous pas assez de place pour ces 903? Peine perdue. Le 3 juin 1939, le gouvernement américain annonce par communiqué qu'il refuse l'accès de son territoire aux passagers du Saint-Louis. Sans aucune explication, sans jamais recevoir les représentants des organisations juives, Roosevelt fait du Saint-Louis un dossier classé. Pourquoi ? Eh bien, aux États-Unis comme ailleurs, la question des réfugiés est devenue une problématique centrale qui fragilise l'équilibre des pouvoirs entre le président et le Congrès et qui révèle la montée en puissance de l'influence des mouvements isosalcinistes. Un an avant l'affaire du Saint-Louis, en juillet 38, les États-Unis ont été à l'initiative d'une grande conférence intergouvernementale sur le sort des réfugiés juifs. Pendant 10 jours, à Évian, en France, 32 pays ont discuté des évolutions possibles de leurs lois d'immigration, du secours des enfants, de la création d'une structure internationale. Mais aucune décision n'a été prise. L'un après l'autre, chaque représentant a exposé les efforts déjà concédés, les difficultés économiques de son pays, l'impopularité de telles mesures. La seule information qui est sortie de cette rencontre est qu'aucun État, au-delà des protestations verbales, n'ira défier le Reich. Voilà. Une nouvelle fois, Hitler garde la main. En Allemagne, un quotidien résume ainsi la conférence d'Évian. Juif à céder à bas prix, qui en veut ? Personne. Un an plus tard, en juin 1939, le gouvernement américain préfère une nouvelle fois ne pas voir ceux qui frappent à sa porte. La loi est ainsi faite et ne doit souffrir d'aucune exception. Mais le Saint-Louis refuse de mettre de nouveau le cap vers l'Europe. Alors il erre, sans destination précise, au large des côtes américaines. Le 5 juin, une nouvelle inattendue semble expliquer ce choix. Erich Dublon, l'un des passagers, écrit. La mer est calme et limpide. Quelques passagers essaient même de pêcher. D'autres assistent aux cours d'anglais et d'espagnol donnés par des passagers pratiquant ces langues. On s'occupe comme on peut. Régulièrement, les haut-parleurs nous informent de la réception de télégrammes provenant de la Havane ou de Miami. Des messages de sympathie et d'encouragement, mais qui ne changent rien à notre situation. Enfin, vers 18h, un flash radio nous apprend qu'un accord a, semble-t-il, été trouvé. La nouvelle est annoncée par un correspondant du New York Times, puis reprise par la plupart des médias. Dans l'article, le journaliste évoque la possibilité d'un débarquement à Cuba dans un camp provisoire situé sur l'île des Pins. Pourtant, en coulisses, rien n'est acté. Pire, à chaque rencontre, de nouvelles demandes, de nouvelles sommes d'argent sont exigées par le représentant du gouvernement cubain. Jour après jour, les envoyés du Joint Distribution Committee sont ainsi ballottés entre espoir et découragement. Sur le Saint-Louis, le soir même, le capitaine Schroeder est informé par un télégramme de la compagnie Hapag qu'il s'agit d'une fausse nouvelle. Une fois de plus, ses passagers sont trompés. Alors, toute la nuit, le capitaine du Saint-Louis cherche un moyen pour sauver ses gens d'un retour forcé vers Hambourg. Au petit matin, il convoque le comité des passagers afin de les avertir de son choix. En fin de matinée, il décide de tenter une manœuvre risquée. En longeant la côte américaine, il a repéré un port de plaisance avec un quai assez long permettant de débarquer. Il informe l'équipage comme les représentants des passagers et tous, oui tous, donnent leur accord pour tenter le coup. À 11h, le capitaine Schroeder ordonne la manœuvre. À bord, tout le monde retient son souffle. Quand soudain... L'avion combat se rapproche. Sur la mer, 3 vedettes des gardes-côtes barrent la route du Saint-Louis. Les États-Unis seraient-ils prêts à ouvrir le feu sur un bateau de réfugiés ? Le capitaine Schroeder décide alors de faire marche arrière. Il s'agit du premier coup de tonnerre de ce 6 juin 1939. Quelques heures plus tard, le secrétaire d'État au Trésor cubain confirme qu'aucun accord n'a été trouvé, qu'aucune installation sur l'île des Pins ne peut être envisagée. Le délai des négociations est expiré. Le Le soir même, le capitaine reçoit de la compagnie transatlantique maritime allemande Hapag l'ordre de faire route vers Hambourg. Et c'est ainsi que le 6 juin à 23h40, le Saint-Louis met le cap sur l'Europe. Et c'est maintenant sur un ou des pays de ce continent qu'il va falloir compter pour accueillir les réfugiés. Mais lequel ? Lesquels ? Y aura-t-il au moins un pays où ils pourront trouver refuge ? Il est difficile d'imaginer l'amertume d'un exil lorsqu'il a lieu par-delà une frontière éloignée. Des familles sans défense sont chassées de leur foyer et refoulées sur une île déserte du Danube, jetées par-dessus la frontière polonaise. D'autres se sauvent en tremblant pour leur vie, en Suisse ou en France. Ce sont des choses difficiles à concevoir dans un pays libre. Mais ces exilés sont passés à proximité de nos côtes. Certains d'entre eux sont sur la liste du contingent d'immigration et pourront être admis dans ce pays plus tard. Que leur adviendra-t-il si, dans l'intervalle, chaque heure risque de leur être fatale ? Espérons que des cœurs s'adouciront quelque part et qu'un asile sera trouvé. La croisière du Saint-Louis proclame à la face des cieux l'inhumanité de l'homme envers l'homme. Quand la Washington Post publie ces mots, le Saint-Louis fait route vers l'Europe depuis 2 jours. Après les refus cubains et américains, ni le Honduras, ni le Canada, ni la Colombie ou encore le Paraguay n'ont répondu aux appels à l'aide des réfugiés. Leur salut passe désormais par le vieux continent et la force de conviction d'un homme, le président-directeur général du Joint en Europe, Maurice C. Trapper. Depuis des jours, de Paris, cet homme active tous ses réseaux, envoie des dizaines de télégrammes, tente de prendre des rendez-vous auprès des ministères, comme des députés. Tout l'enjeu est d'ouvrir la brèche, d'annoncer un premier nom de terre d'accueil pour que, par orgueil ou par respect, d'autres suivent. Et c'est la Belgique qui, la première, ouvre ses portes au Saint-Louis. La décision est prise le 10 juin 1939. Contacté par Trapper, le président du comité pour les réfugiés de Bruxelles convainc le ministre de la Justice de l'urgence de la situation qui lui-même en fait part au Premier ministre. Et c'est ainsi qu'en moins de 90 minutes, le roi Léopold III et le Premier ministre belge accordent à 200 passagers du Saint-Louis un refuge. Et puis après, tout s'accélère. Le 12 juin, Maurice Trapper reçoit un télégramme signé par le Premier ministre des Pays-Bas, qui, en échange de la prise en charge des frais de séjour, promet l'asile à 194 passagers du Saint-Louis. Le jour même, à Londres et à Paris, au sein des ministères de l'Intérieur, la cause du Saint-Louis est étudiée. En fin de journée, par la voix de son ministre Albert Sarraut, la France publie dans la presse la déclaration suivante. D'un commun accord avec M. Daladier, président du Conseil, je vous déclare que le bateau Saint-Louis, avec ses passagers, va être accueilli chez nous. Nous en prendrons 250. La Belgique accueillera aussi 250 passagers, la Hollande 140, et le reste sera partagé entre la France et l'Angleterre. Je vous déclare également que si les autres pays n'avaient pas donné leur accord pour accepter une partie des réfugiés, la France l'aurait fait toute seule et aurait hébergé tous les réfugiés. Elle l'aurait considéré comme son devoir sacré. Pour l'instant, les passagers du Saint-Louis ne savent rien de l'avancée des négociations. Depuis le début de cette odyssée tragique, trop de fois, les représentants du Joint ont fait naître l'espoir avant que les événements ne le réduisent à néant. Alors, par peur de provoquer une nouvelle déception, Maurice Trapper préfère assurer et consolider l'accord avant d'annoncer au Saint-Louis la destination finale de son voyage. Pendant ce temps, sur le bateau en route vers l'Europe, le capitaine Schroeder fait face à de nouvelles mésaventures. Le 9 juin, il arrive à mettre fin, juste par les mots, à une mutinerie d'une douzaine d'hommes menée par un jeune professeur d'université qui avait connu Dachau et la terrible île Cristal. Désespéré, il souhaitait seulement que le Saint-Louis retourne vers l'Amérique. Alors, calmement, Schroeder lui a expliqué la situation et lui a redit que des dizaines de personnes dans le monde cherchaient par tous les moyens à changer la destination du Saint-Louis. La mutinerie est éphémère, mais elle illustre parfaitement la tension et le désespoir qui se sont emparés du Saint-Louis. Même le capitaine imagine secrètement une solution presque suicidaire pour sauver ses gens. En effet, si aucune solution n'est trouvée, eh bien quand il verra les côtes anglaises, il fera échouer le Saint-Louis sur les plages de ce pays. Le 13 juin, le capitaine note dans son journal de bord « Cela fait exactement un mois que nous sommes partis de Hambourg, le cœur léger et la tête pleine de rêves de liberté. Un mois que ces gens n'ont pas posé le pied sur la terre ferme, qu'ils sont allés de déception en désillusion, que certains n'ont pas hésité à commettre l'irréparable. Et tout ça, pourquoi ? Pour être considérés comme des pestiférés par une partie de l'humanité. Pour se retrouver aujourd'hui en route vers l'Europe, vers la barbarie, la souffrance et la douleur. » Il n'a pas fini d'écrire ces quelques lignes qu'un officier de transmission l'appelle. Télégramme, capitaine. Le message est à destination du responsable du comité des passagers, l'avocat Joseph Joseph. Par chance, il est encore debout. Et à haute voix, il lit ces quelques mots. Arrangements finaux pour débarquement tout passager réalisé, stop. Gouvernement de Belgique, Hollande, France et Angleterre ont coopéré magnifiquement avec comité de secours américain Joint pour réaliser cette possibilité, stop. Signé Maurice Trapper. Ça y est, les passagers du Saint-Louis sont sauvés, enfin. Le lendemain, dès les premières heures, les haut-parleurs annoncent une communication importante du comité dans la salle du petit-déjeuner. À 9h, sans bruit, chaque passager a pris place. La plupart sont dépités, abattus. Beaucoup pensent être venus pour prendre note du dernier malheur, de leur odyssée. Joseph Joseph s'avance et lit les quelques lignes signées par Maurice Trapper. À la fin du message, la foule explose de joie. Les passagers du Saint-Louis s'étaient peu à peu emmurés dans un long chagrin. Maurice Trapper venait d'y mettre fin. Le soir même, on ressort toilette et smoking, on joue de la musique, on danse même sur les ponts. Trois jours plus tard, le 17 juin, le Saint-Louis apparaît à l'horizon du port d'Anvers. Maurice Tropper est arrivé sur place en compagnie des représentants de chaque nation, dont Louise Weiss pour la France, qui a joué tout au long de la crise un rôle central pour aider le représentant de la Joint. À l'aide d'une vedette, il monte à bord afin d'organiser la répartition des personnes. Après un accueil chaleureux, les représentants se rassemblent dans le grand salon sous le regard du portrait d'Hitler. En face, des files se forment. Chaque passager indique son âge, son sexe, ses études, son numéro d'enregistrement sur les sites de quotas en Amérique et le nom des parents ou amis résidant dans le pays où il souhaite être accueilli. Sonia, la jeune fille de la famille Mayer, qui a connu en quelques mois l'horreur de la nuit de cristal, puis le bonheur de découvrir à bord du Saint-Louis le goût de l'ananas, se souvient des discussions de ses parents sur le choix du pays. Son père opte pour la France. Sa mère le convainc qu'il est préférable de mettre entre Hitler la Manche. Et c'est Madame qui obtient gain de cause. 288 familles sont ainsi sauvées par l'Angleterre, dont le président du comité des passagers, Joseph Joseph. Herbert Manas, le plus jeune membre du comité des passagers, trouve lui refuge en France. 222 de ses congénères complètent la liste. 181 sont recueillis par la Hollande, 214 par la Belgique, dont Erich Dublon. C'est l'un des premiers à quitter le Saint-Louis. Puis, deux paquebots amènent les survivants à bon port. Le Jan van Arkel pour Rotterdam, le Rakotis pour Boulogne-sur-Mer et Southampton. Le 21 juin 1939, tous les passagers du Saint-Louis ont trouvé refuge. C'est le premier jour du dernier été de la paix. Le 1er septembre 1939, Hitler envahit la Pologne. Le 3, la France et la Grande-Bretagne déclarent guerre à l'Allemagne. Quelques mois plus tard, en février 40, la famille de Sonia apprend qu'elle est autorisée à rejoindre l'Amérique. À bord du paquebot Le Gorgic, elle réussit à éviter les sous-marins allemands de l'Atlantique Nord, les fameux U-boats. Et le 11 février, elle aperçoit la Statue de la Liberté. Elle suivra la guerre d'ici, du Bronx, où elle vivra jusqu'au bout. En Europe, la situation est plus complexe. Au printemps 1940, la Hollande, la Belgique, puis la France tombent sous le joug d'Hitler. Mais Tropper est resté à Paris jusqu'au 14 juin, jusqu'à ce jour où les troupes allemandes ont défilé dans l'autre capitale. Trois jours plus tard, les Français entendent ces mots du maréchal Pétain. En ces heures douloureuses, je pense aux malheureux réfugiés qui, dans un dénuement extrême, sillonnent nos routes. Je leur exprime ma compassion et ma sollicitude. C'est le cœur serré que je vous dise aujourd'hui qu'il faut cesser le combat. Je me suis adressé cette nuit à l'adversaire pour lui demander s'il est prêt à rechercher avec moi, entre soldats, après la lutte et dans l'honneur, les moyens de mettre un terme aux hostilités. Que tous les Français se groupent autour du gouvernement que je préside pendant ces dures épreuves et fassent taire leur angoisse pour n'obéir qu'à leur foi dans le destin de la patrie. Alors que le vieux maréchal fait plonger la France dans la collaboration et dans le camp de l'Axe, Maurice Tropper trouve refuge à Lisbonne. Puis, dès 1942, il rejoint les rangs de l'armée américaine. Cette même année, Erich Dublon est exécuté à Auschwitz. On ne sait rien de son errance en Belgique. Mais comme lui, son frère et sa famille, avec qui il avait vécu la traversée à bord du Saint-Louis, tous, périssent dans le camp d'extermination. Les passagers du Saint-Louis qui ont trouvé refuge en France revivent alors les angoisses qui les avaient poussés à fuir l'Allemagne. De nouveau, ils sont bannis, persécutés, arrêtés, déportés. Aux heures des grandes rafles du régime de Vichy, Hubert Manas, l'un des membres du comité des passagers du Saint-Louis, choisit la clandestinité et tente de fuir. En vain. Arrêtés avec sa femme, son fils et sa mère, ils sont déportés le 7 décembre 1943 à Auschwitz. Aucun n'en reviendra. Au final, 270 passagers qu'on pensait sauvés du Saint-Louis périssent dans les camps. « En Allemagne, une seule voix a porté pendant des années le souvenir des passagers du Saint-Louis, celle du capitaine Schröder. Jusqu'à sa mort, en 1959, il correspond à distance avec certains survivants. En 1993, le musée Yad Vashem lui décerne à titre posthume la distinction de juste parmi les nations. Aux États-Unis, c'est au musée de l'Holocauste de Washington qu'on se souvient de l'épopée du Saint-Louis et de ses passagers. Une salle permanente y est même consacrée. On y voit les photos, les visages et les images de ceux que le président Roosevelt avait refusé d'accueillir. Aujourd'hui, à quelques kilomètres de nos côtes, des embarcations remplies de réfugiés errent en mer sans que les pays d'Europe ne leur ouvrent leurs portes. Ils sont érythréens, libyens, syriens, nigériens, irakiens. Bien sûr, ce n'est pas la même histoire que celle des juifs à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Ce n'est pas le même contexte. Mais sur le plan humain, c'est la même douleur, la même angoisse pour des milliers d'innocents pris dans la tourmente de l'histoire dont ils ne sont en rien responsables. Beaucoup des migrants d'aujourd'hui sont partis pour fuir la guerre, les catastrophes, les persécutions. Alors, comment ne pas repenser aux mots de Léon Blum en avril 39, quand les États européens, dont la France, refusaient l'accueil de réfugiés? Des paroles dont la résonance aujourd'hui est bien troublante. Votre maison est peut-être déjà pleine, c'est possible. Et quand il frappe à votre porte, vous l'ouvrez. Et vous ne leur demandez pour cela ni leur pièce d'état civil, ni leur casier judiciaire, ni leur certificat de vaccin. Naturellement, ils ne pourront pas rester toujours là, c'est entendu. Naturellement, il faudra trouver des solutions ayant un caractère de stabilité et de durée, mais enfin, pour l'instant, en attendant qu'eux-mêmes, ailleurs, trouvent un gîte plus sûr et plus durable. Comment allez-vous leur refuser l'asile du Venise? Le nom d'un espoir, le nom d'un soupir, comment le savoir avant l'avenir? Dans nos soirs d'autrefois, ainsi que sur le balcon bleu de Vérone, j'avais peur. Souviens-toi que l'amour le lendemain nous abandonne. Toujours lorsque tu me quittais, quelques pleurs s'échappaient de mes yeux. Toujours mes baisers inquiets te disaient follement mon adieu. Cet adieu dans l'air bleu, car les mots souvent veulent dire autre chose. C'est adieu dans le soir, ça voulait tout simplement dire au revoir. Le nom d'un espoir, le nom d'un soupir, comment le savoir avant l'avenir? Dans nos soirs d'autrefois, ainsi que sur le balcon bleu de Vérone, une fois, souviens-toi, tout mon cœur crut au bonheur qui m'environne. Et toi, ce soir-là, près de moi, tu mentais, mais comment avoir? Et moi, pour la première fois, je te dis follement au revoir. Au revoir dans le soir, car les mots souvent veulent dire autre chose. Au revoir dans l'air bleu, soir-là, hélas, ça voulait dire adieu. Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, deuxième volet de l'épopée tragique du Saint-Louis avec notre invité Bernard Benyamin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, créateur avec Paul Dahon du magazine Envoyé spécial sur France 2. Personne n'a oublié cette père créatrice de ce magazine de reportage. Et vous êtes l'auteur d'un livre passionnant sur l'histoire du Saint-Louis intitulé L'Odyssée de la peur, édité chez First Edition. Avant de revenir en détail sur l'histoire du Saint-Louis et de sa fin, comment vous avez découvert cette affaire, vous? Oh, de façon très simple, que je raconte d'ailleurs dans le livre, je lisais un livre d'un auteur cubain, des meilleurs de sa génération, qui est Leonardo Padura. Le livre s'appelle Hérétique. Mmh. Et en page 20, il y a tout à coup l'apparition d'un bateau en rade de la Havane, qui ne peut pas débarquer ses passagers, et qui va rester là plusieurs jours. Ce bateau m'a intrigué. Et aujourd'hui, évidemment, c'est beaucoup plus facile avec Internet. Oui. Quelques clics sur Wikipédia et Google, et j'ai découvert que oui, ce bateau avait existé, que oui, ces passagers n'avaient pas pu descendre et qu'ils allaient regagner l'Europe parce que personne ne voulait d'eux. Et j'ai immédiatement décidé d'en faire un livre. Mais comment s'est déroulée votre enquête? Vous êtes allé voir qui? Quelles ont été vos pérégrinations pour arriver à la vérité historique? Alors le truc, c'est de trouver les survivants. 75. Parce que c'est à base de ça, hein, essentiellement. Ah oui, oui, oui. Je le disais tout à l'heure quand j'ai annoncé le livre, parce que c'est important de prendre cet angle-là, parce que c'est l'angle de votre livre. Absolument. 75 ans après, il y a des passagers qui étaient enfants, parfois nourrissons, mais qui ont grandi et qui ont évolué à l'ombre du Saint-Louis. Et donc ce sont ces gens-là que j'ai retrouvés. Ils sont tous été marqués d'une façon ou d'une autre par cette tragédie. Je crois que c'est Sonia Geismar que vous avez citée, oui, qui dit à un moment donné « Je suis fier parce que je fais partie de l'histoire. Mmh. Je ne suis pas né par hasard. Et mon boulot à moi maintenant, c'est d'aller dans les écoles, dans les lycées, dans les collèges, pour raconter notre histoire afin que ça ne se reproduise plus. » C'est ce qu'elle fait effectivement. Et elle a trouvé un sens à sa vie. Et tous les passagers du Saint-Louis éprouvent exactement le même sentiment. Et vous avez rencontré des passagers du Saint-Louis qui étaient vraiment gosses à l'époque, avec leurs souvenirs peut-être un peu diffus, mais c'est important aussi. Alors oui, j'en ai plusieurs. Il y a celui qui m'a le plus marqué, c'est Herbert Karlheiner. Ouais. Je dis Karlheiner parce qu'il faut le prononcer à l'américaine, il ne supporte pas qu'on le prononce à l'allemande. Herbert a aujourd'hui 92-93 ans, il avait 11-12 ans, à l'époque du Saint-Louis, et c'est un garçon qui a toujours été très mature, c'est-à-dire qu'il n'est pas l'aîné de ses trois frères et sœurs, mais c'est toujours vers lui qu'on se dirigeait lorsqu'il fallait faire quelque chose ou prendre une décision. Une sorte de charisme naturel. Oui, voilà. Mmh. Herbert avait l'habitude de se réfugier près d'un hublot dans le Saint-Louis, et il regardait, alors que le bateau faisait des ronds dans l'eau dans le golfe de Floride, il regardait la côte qui était toute proche. Il regardait ses maisons, le sable blanc, les voitures de toutes les couleurs, les palmiers. Mmh. Et il s'est dit à ce moment-là, si on s'en sort bien de cette histoire, eh bien je veux revenir ici. C'était son rêve américain. Je veux refaire ma vie ici. Je l'ai retrouvé à Miami. Mmh. Au sommet du 12e étage d'une résidence à Miami. J'étais en train de parler avec lui et il me dit tout à coup, est-ce que je vous ai montré ma cuisine? Bien donc. Et je lui dis, non, vous m'avez pas montré votre cuisine, mais qu'est-ce qu'elle a votre cuisine de particulier? Il me dit, venez, suivez-moi. Et à l'aide d'un déambulateur, parce que bon, 92 ans, bien sûr, on se dirige vers sa cuisine et je me retrouve face à un hublot. Et il me dit, c'est le hublot que j'ai trouvé en venant ici. J'ai dit, mais c'est vous qui l'avez fait installer? Il me dit, vous êtes fou, on est en Amérique. Ici, tous les étages ont ce même hublot. Sauf que j'ai trouvé que c'était un clin d'œil du destin qui me faisait aujourd'hui voir le golfe de Floride de l'autre côté, du côté de la côte, comme un contre-champ au petit garçon que j'étais dans les caves du Saint-Louis. Qui voyait à travers le hublot autre chose, voilà. Évidemment. Une terre promise. Terre d'accueil qui ne s'est jamais... Rêve américain. Rêve américain. Réalisé. Mais oui, c'est ça. Ça, on va parler du rôle de la presse américaine à l'époque, il est important. Est-ce que ce Saint-Louis a laissé la trace qu'il mériterait en France et en Europe? J'ai l'impression qu'elle n'est pas extrêmement connue, cette histoire. Non, mais parce que ils ont été condamnés à une double peine, les passagers du Saint-Louis. La première peine, ça a été celle, personne ne voulait d'eux. Mmh. La deuxième, c'est que tout le monde a voulu oublier cette histoire parce que c'était honteux. C'est honteux pour l'ensemble des nations, pour les États-Unis, mais encore plus pour l'Europe. les États-Unis, il y a effectivement un mouvement qui tend à la réhabilitation d'un certain nombre de choses autour du Saint-Louis. En Europe, personne ne connaît cette histoire. On a tout fait pour l'étouffer. Oui. On a tout fait pour ne plus s'en souvenir, parce qu'on avait honte. Il y avait de quoi. Oui. La presse américaine, elle a joué un rôle important. Alors c'est vrai que on dit toujours, on prend la phrase d'Albert Londres que je cite souvent, mais il faut aller éclairer les zones d'ombre, hein, c'est ça. C'est-à-dire que le rôle de la presse était vraiment important. Ça a vraiment aidé à la prise de conscience et finalement, est-ce que ça a éveillé, oui, les consciences sur le drame de ces gens-là. Je rappelle qu'il y a eu ce bateau-là, mais il y en a eu d'autres, hein, d'autres exilés juifs qui étaient dans la même situation. Donc le rôle de la presse américaine. Je vais vous choquer. Je vais dire que non. Pourquoi pas? Je veux dire, c'est un peu comme aujourd'hui. On fait des éditos magnifiques, on fait des reportages extraordinaires, mais rien ne change. La presse américaine, qui a fait des papiers extraordinaires, vraiment formidables, n'a pas fait bouger d'un iota la position de Roosevelt. N'a pas fait bouger d'un iota la position du directeur de l'immigration Canada. Vous savez ce qu'il disait, le directeur de l'immigration au Canada, on lui disait, vous allez prendre des immigrés, et il disait, none and it's too many. Non, aucun, et c'est déjà trop. Personne n'a fait bouger ces gens-là, pas un article de journal. Alors effectivement, pour l'éveil des consciences, c'est formidable. Mais résultat concret, non, le Saint-Louis est retourné en Europe. C'est alors, on voit la phrase de M. Weizmann, qui deviendra président d'Israël, qui disait, il y a des pays où les juifs ne peuvent pas vivre, enfin, les pays sont divisés en deux, les pays dans lesquels les juifs ne peuvent pas vivre et les pays dans lesquels ils ne peuvent pas entrer. Exact. Ce qui résumait la dramatique situation des juifs de l'époque. Alors après le refus de Cuba, les passagers du Saint-Louis pensaient obtenir l'aide des États-Unis, comme certains d'entre eux l'ont confirmé des décennies plus tard, au réalisateur, cette fois, Mazyar Bahari, pour son film Le Voyage du Saint-Louis, réalisé en 1994 et coproduit notamment par les films d'ici. Nous avons mis le cap droit sur la Floride en espérant que tout allait bien se terminer. Tout à coup, le paquebot a fait un grand demi-cercle. Et c'est alors que j'ai vu pour la première fois Miami. J'étais très impressionné. J'ai vu les splendides hôtels, le sable de la plage, des voitures qui roulaient au loin. Vous me croirez ou non, mais à cet instant, je me suis promis que si jamais je revenais, ce serait là que je viendrais vivre. Pour moi, tant que nous voguions au large des côtes de la Floride, nous pouvions garder espoir. Pour nous, l'Amérique était le pays de l'opulence, là où les rues étaient pavées d'or. Nous étions presque certains que la petite poignée de gens que nous formions ne pouvait être laissée à la porte de ce monde-là. Nous avons envoyé un télégramme au président Roosevelt pour qu'il nous laisse débarquer, mais nous n'avons pas eu de réponse. Nous avons alors envoyé un télégramme à Madame Roosevelt pour qu'au moins les enfants puissent entrer aux États-Unis. Là encore, nous n'avons pas eu de réponse. Voilà, parole de plusieurs passagers. Vous avez cru en reconnaître un ou une ? Oui, à travers l'histoire du petit garçon qui se jure que s'il se sort bien de cette histoire, il voudra faire sa vie aux États-Unis et en Floride. Voilà. Alors maintenant, la question, pourquoi le président Roosevelt a-t-il refusé d'accueillir ces réfugiés ? Bon, je n'ai pas la réponse, personne n'a la réponse. Il y a des éléments de réponse. La première, peut-être, il comptait se présenter, il s'est présenté pour un troisième mandat. À l'époque, on pouvait. Aujourd'hui, au bout des deux mandats, il faut s'arrêter. À l'époque, il pouvait se permettre ça, et il s'est présenté, il a été élu. Sauf que ces gens, ces 907 personnes, tombaient mal, au mauvais moment. Il avait autre chose à faire que ça. Il était, il faut dire, entouré d'un département d'État, le ministère des Affaires étrangères, pour aller vite, avec Cordwell Hunt, qui était extrêmement antisémite, qui voulait la neutralité par rapport à l'Allemagne. Il y avait ces mouvements aux États-Unis, comme dans plusieurs pays, animés par des agents nazis, qui fomentaient, parmi la population, un sentiment exacerbé d'antisémitisme. Donc il ne voulait pas de grains de sable qui risquent d'enrayer toute la machine. Il y a, par exemple, j'ai rencontré Robert Krakow, qui est un journaliste, avocat, homme de théâtre, qui a écrit une pièce qui joue régulièrement aux États-Unis et qui s'appelle Verdict, et qui met en scène le supposé procès du président Roosevelt. Et à la fin de la représentation, les téléspectateurs votent coupable ou non coupable, un peu à la manière de Robert Hossein, ce qu'on a vu un peu en France. Ce que je veux dire, c'est que il y a effectivement cette question qui se pose. Peut-être une des réponses, elle est dans la réflexion de Nicole Bacharan que j'ai rencontrée pour le livre spécialisé des États-Unis, Et qui dit un peu, Roosevelt est un peu unreadable, illisible, secret. Il a toujours deux faces. Il a effectivement ce côté très charismatique qu'on lui connaît en Occident. Et j'étais, je dois le dire, à milieu de penser que c'est ce même Roosevelt qui avait tourné le dos sans dire un mot aux passagers du Saint-Louis. C'est le sentiment qu'on a quand on raconte cette histoire. En moment, on raconte, est-ce que je dis c'est vrai ou c'est pas possible? Oui, parce que 900 passagers, c'est quoi 900 personnes pour un pays grand comme les États-Unis? Alors, il y avait plusieurs bateaux, cela dit, il n'y avait pas que 900 personnes. Enfin, c'était l'appel d'air, effectivement. Mais on comprend difficilement. Je crois qu'il s'est tenu à une position et qu'il n'a pas voulu en changer. Est-ce qu'il y aurait ce que j'oserais appeler un esprit munichois en 38-39, selon lequel on se met pas mal avec Hitler, on verra bien pour l'instant, allez, on va pas le heurter. Est-ce qu'il y avait de ça? Il y a peut-être ça. En même temps, je crois pas qu'il y a ça chez Roosevelt. Par exemple, il fait mine d'être neutre dans cette guerre. Parce qu'il sait qu'il n'est pas prêt pour entrer en guerre. Et que pendant tout le temps de la neutralité des États-Unis, il va préparer la guerre. Oui, il s'arme. Ça, c'est très important. C'est un peu ce double visage, un peu ce double Janus que montre Roosevelt, on comprend pas. Je ne comprends pas. Madame Eleanor Roosevelt, que l'on célèbre dans le monde entier encore aujourd'hui au niveau de la bonté, de l'humanité, sa bienveillance en humanité, eh bien, elle non plus n'a pas répondu à ses appels, y compris d'Américains, et vous en avez parlé tout à l'heure, qui envoyaient des mots à la Maison Blanche des Lettres en disant « Je suis prêt à accueillir des réfugiés ». Ça n'a pas été le cas, ça n'a pas été possible. Parlons d'un homme qui a eu un rôle très important, évidemment, le capitaine du bateau, Schroeder. C'est le véritable héros de cette histoire. C'est typiquement le juste. On racontait hier qu'au début du voyage, il a fait enlever le portrait d'Hitler dans la grande salle des fêtes, qu'il a transformé en synagogue, et il a demandé à ce qu'il n'y ait aucune brimade, aucune réflexion, et d'emblée, il apparaissait comme, sinon encore injuste, au moins de prendre le chemin de l'humanité. Il a même demandé à son équipage de quitter le navire s'il ne voulait pas servir des Juifs comme n'importe quel autre passager. Et effectivement, tous sont unanimes là-dessus. Dans les premiers jours du Saint-Louis, ils se retrouvent avec des gens qui leur disent « Bonjour madame, bonjour monsieur, que voulez-vous manger ?» Mais avec plaisir. Ils avaient totalement oublié depuis des années, depuis l'accession d'Hitler en 33, ils avaient oublié d'être traités en humains. D'être traités comme des êtres humains, exactement. C'est Schroeder qui est à l'origine de ça. Il va prendre conscience qu'il a une mission. Avec ce bateau, il va commencer à parler de mes passagers, et ça n'est pas n'importe lesquels. Il va prendre un certain nombre de décisions, aller voir le Brou, aller voir le secrétaire général de la présidence cubaine, essayer de faire quelque chose. Rôle que ne lui confère pas son grade de capitaine d'un simple bateau. Mais je pense qu'il va avoir également, jusqu'à la fin de sa vie, une question à laquelle il n'aura pas de réponse et à laquelle personne n'a de réponse. Vous venez d'en parler tout à l'heure, lorsqu'il décide de forcer le blocus d'un petit port de plaisance en Floride. Il y a des bateaux qui interviennent, des hors-bord, des douanes et de la police américaine, et puis deux avions qui survolent le bateau, etc. Faites machine arrière toute. Bon, il est obligé de faire machine arrière. Et il se dit, c'est Herbert Kalliner qui m'a fait cette réflexion. Il me dit, et si on avait continué à avancer? Ils auraient tiré sur nous? Ils auraient tiré? Aujourd'hui, on peut dire non. Ils n'auraient pas tiré. Ils ne pouvaient pas refuser et en même temps tirer sur des réfugiés. Il y aurait eu 900 vies de sauvées. Donc, en y allant de force, quoi. En y allant de force. Qu'est-il devenu, ce monsieur Schroeder, ensuite? Alors, il était... D'abord, est-ce qu'il a eu des ennuis en Allemagne quand il est revenu? Parce que... Non, il n'a pas eu d'ennuis, mais il était dans les Bermudes lorsque la guerre a éclaté. Et donc, il a été obligé de revenir très vite pour ramener le navire à Hambourg. Le problème, c'est qu'il ne pouvait plus le faire en septembre. C'était la guerre. Il y avait le blocus anglais. Et donc, il était obligé de faire tout un tour pas possible pour aller le mettre en cale à Mourmansk, puisqu'à l'époque, pacte germano-soviétique, l'Union soviétique était aux côtés de l'Allemagne. Et puis ensuite, il a réussi à le récupérer et à le ramener à Hambourg. le bateau a été transformé en, on va dire, navire d'habitation pour la marine allemande. Et puis en 43 ou 44, il a été bombardé par l'ARF et il a disparu. Lui, il a essayé d'écrire, il a essayé de faire des livres qui n'ont pas beaucoup marché, et puis de faire de la marine marchande, mais personne ne voulait de lui. Mmh. Il est mort en 59, un peu oublié. Vous avez rappelé la chose très importante qu'il a été fait juste parmi les nations. Je veux souligner d'une chose, c'est que il est l'un des rares à avoir eu cette distinction pour des faits antérieurs à la guerre. C'est-à-dire qu'il a fait ça alors que la guerre n'était pas encore déclarée. Ouais. Et il a été... Double mérite. Double mérite. Il y a une rue à Hambourg qui porte son nom et une plaque sur l'un des quais du port qui rappelle le souvenir du capitaine Schröder. Alors tous ceux qui n'ont pas agi de cette façon-là ont quelques problèmes de conscience. 80 ans plus tard, l'histoire tragique du Saint-Louis hante toujours la mémoire de certains pays. Et là, je veux parler du Canada. Le 7 novembre dernier, le Premier ministre Justin Trudeau a déploré que le Canada ait tourné le dos aux 907 réfugiés juifs qui avaient embarqué à bord du bateau. On va écouter un extrait de sa déclaration devant le Parlement. Monsieur le Président, nous devrions avoir honte de l'histoire du Saint-Louis et du mauvais traitement qu'ont subi les Juifs avant, pendant et après la Seconde Guerre mondiale. Honte parce que ces gestes vont à l'encontre de la promesse de notre pays. Ce n'est pas le Canada que nous connaissons aujourd'hui, un Canada beaucoup plus généreux, accueillant et compatissant qu'il l'était d'antan. Un endroit où la citoyenneté est d'abord définie par des principes et des idéaux, pas par la race, ni par la foi. Monsieur le Président, lorsque le Canada a choisi de tourner le dos aux réfugiés il y a plus de 70 ans, le gouvernement n'a pas seulement omis d'aider les plus vulnérables, il nous a tous nuis. Les Canadiens de confession juive ont contribué énormément à notre pays, comme tous les immigrants qui ont choisi et continuent de choisir le Canada. Qu'est-ce que ça vous inspire ? C'est très nord-américain. C'est bien, hein, c'est très bien. Mais on est dans la résilience. Ouais. On est dans la culpabilité, le mea culpa. Il vaut mieux ça que le contraire, hein. Mais en même temps, ça ne les a pas empêchés d'avoir fait ce qu'ils ont fait pendant la guerre. Il faut pas oublier. Il est hors de question d'oublier, il est surtout question de tendre une main en disant « Vous vous êtes trompé, bon, j'espère que ça n'arrivera pas la prochaine fois. » Je reste un peu dubitatif. Alors, ces gens qui voulaient aller aux États-Unis, donc on a compris, n'y sont pas allés et sont revenus en Europe. Et puis la guerre a éclaté. Que savons-nous de la vie de ces anciens passagers ? Certains ont péri dans les camps de concentration, d'autres s'en sont sortis. Globalement, quelle est la proportion de ceux qui s'en sont sortis et ceux qui sont morts pendant la guerre ? Alors, il y a, on va dire, un bon tiers qui est mort pendant la guerre et deux tiers qui ont été à peu près sauvés. Beaucoup plus facile pour les gens qui avaient choisi l'Angleterre comme terre d'accueil. Oui. Il y avait la Manche. Il y avait de l'eau. Il y avait de l'eau qui était entre Hitler et eux. Effectivement, et ils ont eu raison. Ils s'en sont bien sortis. Je crois que pour tous les passagers et les survivants que j'ai rencontrés, ils ont tous, à des degrés divers, l'impression d'avoir une mission aujourd'hui qui est la transmission. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas subi tout cela pour rien. Tout faire pour que ça ne recommence pas. Et pour cela, éveiller les consciences. Et c'est vrai que tous les gens que j'ai rencontrés, Herbert Karlheiner, Eva Wiener, Sonia Geismar, etc., ils sont tous dans les collèges, dans les lycées, dans les écoles, et ils racontent leur histoire. Ça fait 40 ans qu'ils racontent leur histoire. Ils ne s'en lassent pas. Puisse cette histoire, si tentée, parce que je sais que c'est très aventureux de faire des comparaisons historiques, parce que c'est pas les mêmes histoires, c'est pas le même contexte, mais d'autres gens vivent aujourd'hui quelque chose d'humainement similaire. Je m'arrête à la considération humaine. Ce qu'ils ressentent est la même chose que ce qu'ont ressenti ces gens en 1938. Jusqu'où va la résonance ? Alors moi je pense que pour tous ceux qui sont condamnés à mort dans leur pays, où ils risquent effectivement de perdre la vie. Je veux parler essentiellement des Syriens, des Érythréens. Eux sont dans la même situation. Exactement. Ils sont dans la même situation. Et nous avons l'Aquarius, on a eu l'exemple il n'y a pas longtemps. On pourrait se poser la même question que se posaient Karl Liner et Schröder. Et s'ils tentent de forcer le blocus, finalement, on trouve toujours des solutions. La preuve, c'est que l'Aquarius, à un moment donné, ne trouvait place ni en Italie, ni à Malte. Ils ont trouvé en Espagne. Mais on arrive à trouver des solutions. C'est un éternel recommencement. Ça, on va dire les choses qu'on connaît depuis longtemps. L'histoire ne se répète pas. Elle bégaye et le monde n'a aucune mémoire. C'est vrai, malheureusement, aujourd'hui, on en a encore la preuve. Merci infiniment, Bernard. Merci à vous. Benjamin, je voudrais remercier aussi nos deux comédiens, car leur rôle a été important dans ce récit pour la lecture de documents, Philippe Pirard et David Mijot. C'est Affaires Sensibles aujourd'hui, l'épopée tragique du Saint-Louis, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Affaires Sensibles du site de France Inter pour toute information complémentaire à notre émission. Et merci à Léo Prangère qui était à la technique aujourd'hui.